comme sont des salauds. Ce qu'elle a enduré, t'as pas idée. Toutes ces aventures t'emballent. Wallo, elle est fatiguée. Pour elle, tous les hommes sont des salauds. Ce qu'elle a enduré, t'as pas idée. Toutes ces aventures t'emballent. Wallo, elle est fatiguée. Elle sort tous les soirs, mais elle est blasée. Elle sort, mais c'est juste pour ses potes. Les hommes, pour elle, c'est un dossier classé. L'amour, tout ça, ça n'arrive qu'aux autres, ouais. C'est pas la vie qu'elle avait imaginée. Tous ces mythes au fond du ciné. Elle les a tous éliminés. Pour elle, tous les hommes sont des salauds. Ce qu'elle a enduré, t'as pas idée. Toutes ces aventures t'emballent. Wallo, elle est fatiguée. Pour elle, tous les hommes sont des salauds. Ce qu'elle a enduré, t'as pas idée. Toutes ces aventures t'emballent. Wallo, elle est fatiguée. Ah, solo, solo, solo. Elle veut rester solo, solo, solo. Ah, solo, solo, solo. Elle veut rester solo, solo, solo. Oh la la la la, t'as d'oseille ou pas, va là-bas. Elle a jamais tendu la main, t'auras pas sa main, donc bye salama. C'est qui retrouvera chemin, le chemin de sa confiance en l'homme. Oui, maintenant ça fait des années, trahi, malmené. Elle a cessé d'aimer, pour elle tous les hommes sont des salauds. Ce qu'elle a enduré, t'as pas idée. Toutes ses aventures t'emballent. Wallo, elle est fatiguée. Pour elle tous les hommes sont des salauds. Qu'elle a enduré, t'as pas idée. Toutes ces aventures t'emballent. Wallo, elle est fatiguée. Ah, solo, solo, solo. Elle veut rester solo, solo, solo. Ah, solo, solo, solo. Elle veut rester solo, solo.